Si je meurs demain, les groupes et les fuckboys vont sucer mon art. Bah oui, c'est tard, t'as l'impression que ta copine n'aime plus trop ton dard. Amoureuse de moi, je bouchis le nez plus ultra dans la foudre. J'ai le veston Burberry sur ma. Je nageais sans bonnet de bas dans sa mouillée, je vais fumer sa weed sur le toit. Je crois que je suis. T'as mon qui sont petits d'en bas, je roule un gros missile gras comme Oprah. Y'en a marre des questions débiles, des débats de bouffons. Ton âme dans le vide, tu marches avec les moutons. Elle veut ma bite. Elle veut la potion magique et le vide. Si je meurs demain, les gros filles et fuck folles, ils vont sucer mon art. Bah oui, c'est dark, t'as l'impression que ta copine aime plus trop ton dard. Amoureuse de moi, je bouchis le nez plus ultra dans la foule. J'ai le veston Burberry sur moi. J'vais nager sans bonnet de pain dans sa mouillée, j'vais fumer sa weed sur le toit. Dans, j'ai grosse flemme, me demande plus si elle m'aime. Appelle Poussy, gros qu'elle vienne. Cocaïne dans le freezer, redoute perquise des 6 heures. Coupe humide au ciseau, se concerte pour décision. Je suis sur le bot, j'ai le frisson. Tu veux haja, j'ai le piston. Le camas vient de Pluton. Fume sa voix et tu touches plus terre. Fuck, toutes ces putes mec. Bonne à gratter quand y'a un peu de tête. Dans le secteur, trouvons toutes seules. Elle m'appelle pour ses douceurs. La puce marche toute seule. Ce que je désire m'indique ma boussole. V12 comme un consomme. Je marche, illumine seul. La puce marche toute seule. Ce que je désire m'indique ma boussole. V12 comme un consomme. Je marche, illumine seul.